maillot, crème, beurre et saucisson. Et toutes les 5 minutes, tu bouffes. Ouais, ouais, ouais, hein, tu bouffes. Tu aimes la glace, les biscuits et les barres chocolatées? Les sauces, les chips et les crêpes au beurre salé? Tu penses faire un régime juste avant l'été? Mais trop tard, c'est baisé. Tu ressembles déjà à un sanglier. Mais regarde-toi, bordel, t'es grosse. Même si tu devenais pêcheur, tu pourrais pas surveiller ta ligne. Chocolat au lait, boum, dans tes hanches. Des biscuits sucrés, boum, dans tes cuisses. Des bonbons acidulés, boum, dans tes fesses. Frites mayo, steak haché, dans tes mollets. Regarde-toi, bordel, t'es grosse. Même si tu devenais pêcheur, tu pourrais pas surveiller ta ligne. Regarde ton alimentation. Tu aimes frites, coca, mayo, crème, beurre et saucisson. Et toutes les 5 minutes, bah tu bouffes. Ouais, ouais, ouais, tu bouffes. Tu aimes la glace, les biscuits et les barres chocolatées. Les sauces, les chips et les crêpes au beurre salé. Tu penses faire un régime juste avant l'été, mais pff, trop tard, c'est bébé. Tu ressembles déjà à un sanglier. Regarde-toi, bordel. Ta ligne. T'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es trop, trop, trop, trop grosse. T'es grosse, t'es grosse, t'es trop, trop, trop, trop grosse. T'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es trop, trop grosse.